C'est les championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste en fin de semaine. Et encore une fois, ben, notre collègue François-Louis Robert, notre collaborateur, est en congé. C'est Caroline Truchon qu'on a connue aux Olympiques qui est avec nous. Salut Caroline. Bonjour. Caroline, d'abord, si on parlait un peu des championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste, après les Olympiques comme ça, est-ce qu'on réussit à retrouver l'adrénaline? C'est sûr que pour certains, ça peut être plus difficile que d'autres. Dans la majorité des cas, les athlètes vont la retrouver parce que les championnats du monde, c'est vraiment très important pour un patineur. Okay. Mais c'est sûr que en fin de semaine, il y a quand même des grands absents. Du côté des filles, évidemment, Elise Christie, la championne du monde en titre, n'est pas là. Ariana Fontana, qui est ici, va seulement patiner le relais. Du côté des hommes, on a le Chinois Wu Danjing qui est pas là non plus, lui qui avait remporté la médaille d'or aux 500 mètres. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire l'impasse sur les distances individuelles ou carrément sur le championnat du monde, mais 95% des patineurs qui étaient aux Jeux olympiques sont ici, en fait, ça même. OK. 37 pays. On voit que le patinage de vitesse, qui est quand même un sport relativement jeune... je pense que c'est aux Olympiques, c'était en 1992 qu'on a vu ça pour la première fois. Ouais. C'est là qu'on voit que ça progresse quand même. Ah oui, ça progresse énormément. Puis 37 pays ici à Montréal, c'est la première fois qu'on a autant de pays. Puis mais c'est bien pour le sport. On voit que les plus petits pays, les pays qui se développent, commencent à mettre des patineurs aux championnats du monde parce qu'il y a quand même des standards pour accéder aux championnats du monde. Donc, c'est vraiment une belle chose de voir qu'il y a autant de pays maintenant qui peuvent venir faire les championnats du monde. OK. Donc, es-tu surprise de voir que Valérie Maltin, on l'a juste réservé pour le relais, dans les courses individuelles, elle ne sera pas là? Es-tu surprise quand même? Oui puis non, c'est sûr que Valérie elle avait absolument le potentiel de faire les distances individuelles puis d'espérer d'avoir de très bons résultats. En même temps, je comprends la décision de PVC qui est de miser sur l'avenir, donc de mettre Jamie McDonald qui a seulement 23 ans, qui elle a jamais patiné de championnat du monde. Je sais même pas si elle est déjà allée au championnat du monde. Donc c'est sûr que vision à long terme puis pour dans 4 ans. Comme du côté masculin avec Pascal Dion au lieu de Charles Cournoyer dans les distances individuelles, c'est sûr que on veut bâtir pour l'avenir. Puis il y a beaucoup de pays qui font ça en fin de semaine, qui mettent des jeunes. Il y en a qui ont les Chinois qui ont 17 ans, 18 ans, justement pour dans 4 ans. OK. Évidemment, ce qui Marianne, c'est sa dernière compétition, mais dans le cas de Marianne Saint-Gelais, j'imagine qu'elle va essayer de vraiment bien boucler la boucle. Ah, c'est sûr que oui. Puis, tu sais, Marianne est aux Jeux Olympiques, elle était en forme, elle a juste pas eu une bonne compé, donc on peut s'attendre à avoir des très très bons résultats de Marianne en fin de semaine. Puis je lui souhaite parce que en étant sa dernière compétition devant ses amis, sa famille, c'est sûr que ça va être beaucoup d'émotions. Peut-être un peu difficile à gérer l'émotion, mais tu sais, faudra pas trop qu'elle y pense, puis qu'elle se concentre de course par course. Puis si elle fait ça, je pense qu'elle est capable d'aller chercher un podium individuel overall. Évidemment, c'est d'être dans sa bulle, puis ainsi de suite. Là. Puis le fait que c'est à Montréal, c'est sûr que ça ne l'aidera pas. Es-tu surprise que Charles Hamelin n'a pas annoncé sa retraite? Oui, puis non. En même temps, Charles est encore vraiment au top. Des patineurs au monde, donc c'est un choix personnel de vouloir continuer, mais je suis pas tant surprise parce que tu sais, il est encore dans la game comme on dit, puis je pense qu'il peut encore faire de belles choses sur le circuit de la Coupe du Monde puis aussi en championnat du monde. OK. Ben Caroline, évidemment on s'attend à une bonne foule. C'est 4500 personnes à l'aréna va avoir lieu les championnats du monde. Les gens vont pouvoir voir ça sur TVA Sport 2 samedi, TVA Sport 1 dimanche. Nous on s'en parle lundi pour analyser tout ça. Excellent. Oui, Caroline Touchon qui est notre collaboratrice de patinage de vitesse sur côté.